Tu veux avoir le féline, va passer son tigre. Passe ton tigre, passe ton tigre. Tu veux avoir le magie, va passer son tigre. Passe ton tigre, passe ton tigre. Oublie ta raison, deviens animal. Passe ton tigre, passe ton tigre. Va passer son tigre. Passe ton tigre, passe ton tigre. Hey!